Notre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. Ben, hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Michel Julien, qui fait partie du groupe qui ont lancé une page Facebook qui se nomme Amphithéâtre Plus. Évidemment, le but, c'est de sensibiliser les gens à la construction d'un nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay. Hier, on l'avait en entrevue sur les ondes de danradiosport.com. Il explique d'abord le but du projet. Séance du conseil, là, où il y a eu une proposition là, de faire une consultation pour le projet. Alors nous, à ce moment-là, nous, on a dit, ben une consultation, pourquoi? Fait ça nous a, en fait, décidé de faire une page pour informer les gens, donner l'information précise, là, assez précise, là, pour pas que les gens soient mal informés. Dans le sens que si on rencontre quelqu'un, ça rue, ils nous disent, ah, c'est un projet de 80 millions. Oui, c'est un projet de 80 millions, mais ce qu'on a oublié de dire également, c'est qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça. Et puis, ce qui baisse les coûts au niveau de la municipalité. Dans un deuxième temps, Michel Julien pense que le projet a été mal vendu par la mairesse José Néron. Je pense que oui, le projet a été très mal vendu d'une part. Il a été vendu d'une façon globale. Ouais. Mais ce qu'il faut faire, comme vous dites, vous avez absolument raison de dire que, oui, le projet, ce que c'est que ça nous coûterait avec les subventions, ça nous coûte 26 millions. Puis à côté, on dit, ben si on fait pas le projet, ben éventuellement, il faut construire l'autogarde d'ici 2021. Ça, c'est un must. Alors, c'est 31 millions. L'aréna, il va falloir investir entre 15 et 20 millions, assurément, qu'on a déjà investi 20 millions depuis 2001, là, dans cet aréna-là, ouais. Qui hier, comme sa fête, avait 70 ans hier, là. Mm-hmm. Alors, c'est un bâtiment de 70 ans. Investir 20 millions là-dedans, c'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts, là, parce qu'en dessous de ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, là. Le béton, c'est à 70 ans, le structural, c'est vieux, là. Tu sais, c'est comme si tu avais une maison que tu dirais, ben, ma maison n'a pas de solage, là, elle a un solage anciennement avec de la pierre, ben, il faut le refaire, le solage, là. Ben, ça vaut-il la peine de refaire un solage quand les murs sont craqués, et puis la couverture est finie. T'sais, c'est une bâtisse qui a quand même 70 ans. Il dit pas que la couverture est finie du Saint-Jean Vézina, c'est un exemple. Dans un dernier temps, ben Michel Julien mentionne qu'il y a apparence de conflit d'intérêts de la part des élus de Jonquière. Je ne veux pas marquer au niveau politique, mais il y a une apparence d'esprit de clocher, parce que depuis le début du projet, les six échevins de Jonquière ont fait des sorties négatives au niveau du projet. Même il y en a qui veulent rénover le Saint-Georges à gros prix. En tout cas, personnellement, puis nous autres, notre groupe, on sent l'esprit de clocher, mais c'est pas dans cet aspect-là qu'on veut avancer. On veut avancer au niveau de l'information qu'on peut donner aux citoyens pour qu'ils puissent venir sur le site donner leur opinion. Et puis, à ce moment-là, ben, si tout le monde font ça, Jonquière, Chicoutimi-Labé, ben, il y en a là-dedans, les échevins vous sont contre, mais il y a peut-être des citoyens qui sont pour puis qui vont donner leurs opinions. Nous autres, notre objectif dans ça, là, c'est surtout donner l'information précise, puis informer les gens, réveiller les gens, est-ce que ça peut nous coûter au niveau de l'équipement qu'on pourrait avoir, là, qui serait quand même un équipement là, régional, mais aussi municipal, mais aussi régional, là, parce qu'il pourrait avoir des spectacles dans ça l'été qui serviront. Ligue simple, il y avait des matchs dans les différentes ligues. D'abord, en catégorie Atome A, notons qu'il y avait des matchs qui se sont soldés. D'abord, victoire des Aiglons d'Allemagne 5-1 sur les Patriotes de Saint-Bruno. Du côté maintenant du Pee-Wee A, match qui s'est déroulé au cours des derniers jours. D'abord, verdict nul de 1-1 entre les Aiglons d'Allemagne et les Génois d'Allemagne. Également un gain pour les Génois d'Allemagne sur les Aiglons d'Allemagne 5-3. Les Monarques de Saint-Amboise en ont mangé toute une. Ils ont perdu 9-1 contre le National de Saguenay. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Michel Julien, où on parle évidemment du projet Amphithéâtre Plus. On a également parlé aussi avec Guillaume Guin, instructeur des Sabres de Robert Ball. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.